Elle danse parmi les fleurs et c'est déjà le matin. Elle n'a presque plus peur et c'est elle qui prend ma main. Sans détourner le regard, elle m'écoute hésiter. L'amour et ses hasards ont fini de l'effrayer. Quelque chose l'appelle vers des jeux moins innocents. Elle laisse derrière elle toutes ses craintes d'enfant. Voilà qu'elle me rassure, moi qui m'étais moqué d'elle. Déjà sa voix est plus sûre lorsqu'elle parle du ciel. Et te voilà, femme, enfin, tout près de moi, et pourtant déjà loin, bien trop loin. Et te voilà, femme, enfin, perdu déjà au début du chemin. Qu'elle n'avait jamais dit. Le jour vient bien trop tôt, elle n'aime plus que la nuit. La tiédeur, le silence, le plaisir et les sanglots qui l'éloignent de l'enfance vers un univers nouveau. Et te voilà, femme, enfin, tout près de moi, et pourtant déjà loin, bien trop loin. Et te voilà, femme, enfin, perdu déjà au début du chemin. Et te voilà, femme, enfin, tout près de moi, et pourtant déjà loin, bien trop loin. Et te voilà, femme, enfin, perdu déjà au début du chemin.